Bonjour à toutes et à tous. Alors, si nous vous parlons d'irrigation, de bassines et des Deux-Sèvres, est-ce que vous voyez où vous en venir? Non, attendez, partez pas tout de suite, nous allons déchiffrer cela pour vous. Bienvenue sur Campus FM. Nous sommes Paul-Louis, Hugo et Quentin, trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan, et nous allons vous parler aujourd'hui des bassines de Nouvelle-Aquitaine. L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je sais pas ce que c'est. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Les réserves de substitution ou méga-bassines sont un sujet épineux mais tellement important à aborder car il y a de multiples enjeux sociétaux et écologiques. On entend de tout dans les médias, crimes contre l'environnement, irrigation des cultures, privatisation de la ressource, accaparement de la ressource, projets illégaux, sabotage. Comment s'y retrouver dans ce flux d'informations incessant avec des idées parfois contradictoires? C'est l'un des objectifs de notre podcast d'aujourd'hui. Donc si nous remettons dans le contexte tout ce projet, notamment celui de la bassine de Sainte-Soline que vous avez peut-être entendu parler, qui a fait pas mal de bruit dans les Deux-Sèvres avec des manifestations en octobre. Si on revient à la naissance du projet, il part des déficits d'eau qui ont été observés et qui sont de plus en plus fréquents dans la région nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ça se base sur des études du BRGM, donc le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui estimait ces valeurs de déficit en 2013 et 2015. Ça a ensuite mené à un arrêté préfectoral en 2017 pour la construction des bassines, justement pour contrer ces déficits observés. Le projet couvre trois départements, les Deux-Sèvres, les Charentes-Maritimes et la Vienne. Le principe, c'est tout simplement de puiser l'eau en hiver via ces bassines, lorsque les nappes sont supposées pleines et excédentaires en eau, pour ensuite pouvoir l'utiliser en été, et donc moins puiser l'eau justement en été pour l'irrigation. Donc dans cette logique-là, ça prend en compte le changement climatique. En effet, c'est cela. Les scientifiques, aujourd'hui, sont tous d'accord et unanimes sur le fait que, à l'avenir, et c'est le cas déjà aujourd'hui, que les sécheresses, elles seront plus longues, et avec des précipitations qui se feront de plus en plus rares, mais qui seront bien plus intenses. Donc là, la pluviométrie annuelle, elle restera identique, mais elle sera présente sur des périodes bien plus courtes. Donc cela pour conséquence de rendre bien plus difficile l'infiltration de l'eau dans les sols, parce que les sols ne seront pas toujours capables en fait, d'infiltrer l'eau en si peu de temps. Il y aura trop d'eau pour que ça puisse que tout soit infiltré. D'autant plus que les sécheresses, elles vont favoriser l'imperméabilité des sols parce que ceux-ci vont se crisper. Donc ce projet, il a été réfléchi donc en lien avec le territoire qu'il est, donc Nord-Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des nappes qui sont très grandes avec des grands volumes d'eau. Et donc pour ça, c'est un territoire qui est plutôt adapté à ces bassines. Au niveau du porteur du projet, c'est la Société Coopérative Anonyme de l'Eau des Deux-Sèvres. Donc c'est un système coopératif pour mutualiser la gestion des prélèvements d'irrigation. Ils travaillent directement avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et également avec les agriculteurs qui bénéficieront de cette eau. Mais rapidement, en fait, on va observer des premières contestations, avec notamment le collectif Bassine Non Merci qui va se monter, rejoint par des associations écologistes comme Greenpeace, et puis également quelques agriculteurs qui ne sont pas bénéficiaires des bassines qui vont venir être contre ce projet. Donc là, on sent qu'il y a eu un besoin de concertation entre tous les acteurs qui ont été réunis pour essayer de trouver un compromis. Et donc cette concertation a réuni des experts de l'eau, des agriculteurs, des élus, des associations de la pêche, de la protection de la nature et des consommateurs, des opposants et enfin des citoyens, aussi bien volontaires que désignés. Cette concertation, elle a mené donc à un redimensionnement du projet, à la baisse. Donc on est passé de 19 à 16 bassines. Et les volumes ont aussi été revus à la baisse. Donc ils ont été réduits de 27% par rapport à ce qui était prévu au départ. Et à chaque fois, des nouvelles études viennent réestimer les impacts pour s'assurer que le projet reste écologiquement viable. Donc, à chaque redimensionnement, on se base sur des études. Donc, la dernière étude, elle a pris en compte les références des précipitations et des nappes phréatiques entre 2000 et 2011. Donc, cela permettrait une réduction de 70% des prélèvements d'eau en été selon cette étude. Donc une réduction des prélèvements de 70% avec en plus de cela une augmentation des débits des cours d'eau de 5 à 6% en été, donc c'est quand même pas négligeable, et seulement en contrepartie on aurait une diminution des cours d'eau de 1% en hiver, ce qui est quand même très petit. Autre chose qui découle donc de cette concertation, c'est qu'il y a une condition pour pouvoir bénéficier de l'eau de ces bassines, c'est que les agriculteurs qui veulent y avoir accès doivent mettre en place des mesures dites donc agroécologiques, c'est-à-dire des mesures agricoles plus respectueuses de l'environnement. On peut par exemple citer mettre en place des haies pour favoriser la biodiversité, augmenter la diversité des cultures ou réduire l'usage des pesticides. Et enfin, dernier élément qui sort de la concertation, c'est la transparence, aussi bien au niveau des préleveurs des bassines que des agriculteurs, pour être sûr que les volumes prélevés sont bien respectent la loi et qu'il n'y ait pas d'abus, que certaines personnes soient privilégiées ou non. Donc pour toutes ces raisons, en fait, ce projet il est considéré par les commanditaires et par l'agence de l'eau comme le meilleur compromis entre les besoins qui sont mis en évidence par les déficits en eau, tout en réduisant au maximum les impacts sur l'environnement. En plus de cela, ce projet il est encadré par une démarche qui a été d'ailleurs créée par le gouvernement, qui s'appelle la démarche Éviter, Réduire, Compenser, donc tout simplement ERC. Elle a été développée pour des intérêts écologiques et donc de biodiversité, mais cette stratégie elle est applicable à d'autres domaines, donc elle est applicable pour le coup à l'environnement et dans notre cas à l'eau. Donc dans ce cas-ci, les trois termes qui sont utilisés pour définir ERC correspondent à des besoins bien précis. Donc éviter permet d'économiser la ressource en eau. Réduire, ça a pour but de diminuer le déficit en eau. Et enfin compenser, ça a des intérêts multiples, donc ça nous permet de compenser les pertes des agriculteurs en analysant leurs besoins socio-économiques. Et enfin, ça va compenser les pertes d'eau des cours d'eau et des nappes phréatiques qui sont sèches. Donc cela a un vrai but, c'est vraiment de construire une véritable stratégie avec des solutions qui sont viables dans un contexte où aujourd'hui, depuis quelques années, le cycle de l'eau est quand même déjà très perturbé. Donc maintenant, on va faire un petit éclairage sur le volet financement du projet. Donc à savoir que ce projet il coûte 60 millions d'euros. 70% est financé par de l'argent public. Donc c'est l'agence de l'eau de Loire-Bretagne qui apporte à elle seule 28,35 millions d'euros. Et le reste de l'argent public est apporté grâce au fonds de financement plan de relance, et donc équivaut au plan de relance pour la tranche numéro 1. Les 30% restants, ils sont à la charge des 226 agriculteurs qui bénéficieront de l'eau et donc qui paieront chacun de façon proportionnelle à leur prélèvement. Merci Hugo, merci à Quentin pour cette petite remise de contexte. Nous avons dit au début que l'objectif principal de cette émission est de vous aider à y voir plus clair sur cette polémique qui engage plusieurs acteurs, mais également de vous permettre de vous exprimer et d'exprimer vos doutes sur ce sujet. C'est pourquoi, lors de nos recherches, nous avons rencontré Madame Céline Marouet-Jousse, chargée d'intervention dans l'agence de l'eau à Dour-sur-Garonne et spécialiste des milieux aquatiques et de la ressource en eau, qui nous a grandement aidés et nous a permis d'avoir des pistes de réflexion plus complètes. Nous avons également interviewé des jeunes Toulousains dans la rue pour qu'ils expriment leurs questions, et nous avons trié les questions récurrentes pour essayer de les tenter à de répondre dans cet épisode. Sans plus attendre, commençons avec une question de Manon autour de la biodiversité. Pour ma part, moi je me questionnais par rapport à la biodiversité. C'est vrai que moi qui connais mal le projet, je suis un peu sceptique. Et quels sont les impacts de ces bassines sur la biodiversité au juste ? Alors évidemment, les bassines ont un impact évident sur la biodiversité. Toutefois, cela dépend du contexte local. Donc la première chose qui vient à l'esprit et qui est peut-être la plus évidente, c'est que donc ces bassines vont participer à ce qu'on appelle l'artificialisation, c'est-à-dire le remplacement des surfaces naturelles par des surfaces artificielles. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est délétère pour la biodiversité, car ils privent aussi bien les espèces végétales qu'animales de leur refuge et elles ne peuvent plus se développer. Oui, tu fais bien de mettre ce point négatif en avant, qui est vrai. Maintenant, à savoir qu'il n'y a pas uniquement des impacts négatifs. Donc, comme on le disait plus tôt, dans le but d'une stratégie éviter, réduire, compenser, qui est utilisée par l'agence de l'eau, il y a des objectifs d'efforts et de moyens qui sont fixés, notamment donc, pour les bénéficiaires, que sont les agriculteurs, que l'on appelle, comme on l'a dit plus haut, ce sont des conditionnalités. Donc les agriculteurs, ils doivent faire des efforts pour avoir des pratiques promouvant l'écologie et la biodiversité. Donc ils vont pouvoir mettre en place des pratiques en lien avec le contexte de leur ferme. Donc par exemple, on peut citer la mise en place de haies ou d'autres infrastructures agroécologiques. Ils devront favoriser, pour certains, les couverts végétaux ou même, sinon, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires qu'on appelle plus couramment pesticides. À savoir également qu'en agriculture, l'irrigation, ça reste un moyen de conserver de la diversité sur un territoire, parce que pouvoir irriguer, ça va nous permettre de pouvoir cultiver telle ou telle culture en période sèche, notamment pour l'aider à germer ou pour d'autres besoins. Ouais, mais Quentin, comme tu l'as dit, cette conditionnalité se concentre uniquement sur les efforts à faire, mais pas sur les résultats. Et je trouve que c'est pas assez concret comme compensation. Oui, c'est vrai. C'est là où c'est un peu critiquable. On en aurait peut-être préféré des objectifs de résultats. N'empêche que tout cela sera contrôlé par les agents du service public. Donc il y a des choses qui seront plus facilement surveillées et contrôlées. Alors c'est vrai que pour tout ce qui est des couverts végétaux qui ont été introduits il y a 2 ans, bah, c'est plus compliqué de le prouver. En tout cas, quand les agriculteurs devront mettre en place des haies ou de l'agroforesterie, cela sera facilement vérifiable. Donc les contrôles pourront être présents. Et en plus, pour confirmer cela, les scientifiques sont d'accord pour dire que toutes ces pratiques ont même des impacts très vertueux sur l'environnement, donc qui auront des impacts vraiment positifs. D'accord, je comprends. Mais après, un des arguments principaux des opposants aux bassines, c'est qu'il y a un énorme fossé, comme on sait tous, entre la théorie et la pratique sur le terrain. Quid des personnes chargées d'aller contrôler ces usages? Quid de l'effectif dans l'agence de l'eau? En fonction des départements et des territoires, ces contrôles seront plus ou moins fréquents à cause de problèmes internes à l'agence. Cela m'amène d'ailleurs à la question de Juliette. Ok, du coup, c'est un sujet qui est très controversé, mais ça serait quoi les alternatives possibles justement aux bassines concernant les ressources en eau et l'irrigation? Il faut déjà savoir que ce projet, bah, par son nom en lui-même, donc réserve de substitution qui est donnée par les commanditaires, il se définit déjà comme une alternative donc au modèle actuel où on puise directement dans les nappes et où les déficits d'eau sont de plus en plus menaçants. Notons quand même qu'il y a d'autres alternatives qui existent et qui nécessitent moins d'argent pour être mis en place, comme par exemple récupérer les eaux pluviales ou les eaux usées pour recharger les nappes phréatiques. Cela se fait notamment dans les Pyrénées-Orientales. On peut penser aussi à restaurer les zones humides pour avoir plus de volume d'eau. Ça se fait également en Midi-Pyrénées avec les Sagnes, comme on a pu le voir, ou mettre en place des systèmes de récupération de l'eau en milieu urbain. Et je vois déjà ceux qui pensent qu'on peut désaliniser l'eau de mer pour la transformer en eau potable. Sachez que c'est un processus qui est très coûteux, qui demande des machines extrêmement puissantes, donc c'est pas faisable sur le long terme. Merci pour Louis pour ces précisions de façon générale. Moi, je vais faire un petit point sur le volet agricole. Donc, il faut savoir que les agriculteurs, ils ont différents leviers d'action pour diminuer l'utilisation de la ressource en eau. Ce ne sont pas que les agriculteurs présents sur le territoire des Deux-Sèvres qui sont concernés, ce sont vraiment les agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Quelques exemples. Les agriculteurs, ils peuvent mettre en place des haies qui accueillent des fossés et qui ont un effet positif de façon indirecte. Ils peuvent également mettre en place de l'agroforesterie, ce qui permet d'améliorer la qualité des sols et donc favoriser l'infiltration de l'eau. Comme on le disait plus tôt, l'utilisation de couverts végétaux ou même de créer des prairies temporaires, cela, en plus de permettre une meilleure infiltration d'eau dans les sols, crée une barrière à l'érosion. Et de plus, ils peuvent également travailler sur leur rotation en implantant plus de cultures dans leur assolement. Alors après, cela est quand même à bien réfléchir, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des impacts positifs, puisqu'après, ce n'est pas toujours évident de trouver des débouchés pour vendre ces cultures. Donc cela est à bien réfléchir. Et enfin, ils peuvent utiliser des variétés simplement plus résistantes à l'eau et à la chaleur, et qui donc, par conséquent, sont bien moins gourmandes en eau. Bien, ça fait 15 minutes que vous écoutez nos discrétions, chers auditeurs. On imagine bien que ça fait beaucoup d'infos à encaisser. C'est pourquoi nous allons faire une petite pause musicale sous la mélodie de Xmelen. Et sa chanson, c'est Guanen. Et on revient après cette petite pause. A tout de suite. voici de retour, cette fois-ci avec une question de Cyprien. Alors moi, je m'inquiète du réchauffement climatique et notamment de l'eau qui pourrait manquer dans les années à venir. Est-ce que les bassines ont été pensées pour s'y adapter ? Alors oui, bien sûr Cyprien, bah, le réchauffement climatique c'est une question centrale et on comprend que ça puisse t'inquiéter. Mais il faut tout à fait prendre conscience que l'eau, elle va devenir une ressource rare et précieuse dans les années à venir. Alors bien sûr, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais tout le monde n'en a pas forcément conscience du fait que sa tarification est encore assez basse, surtout si on la compare à l'énergie. Oui, en effet. Alors selon les projections, à l'avenir, le prix de l'eau serait multiplié entre 2 et 6 fois d'ici 2050, donc d'après les simulations. Cela s'expliquerait notamment par les volumes mobilisables, qui devraient être réduits quand même d'un quart d'ici 2050. De plus, on voit quand même déjà les effets importants du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc, on l'a vu l'été dernier, l'été 2022. C'était l'été le plus chaud depuis 19 ans, donc depuis 2003. Et sur 96 départements, 93 ont subi des restrictions d'eau. Et dont 77 d'entre eux ont été en alerte rouge sécheresse, qui est quand même assez impressionnant. On fait un petit rappel également des effets du réchauffement climatique. La pluviométrie annuelle sera peu variable sur les années, mais elle sera plus intense sur un laps de temps bien plus court. Donc les conséquences seront les suivantes: moins d'infiltration d'eau dans les sols en profondeur, possible débordement des cours d'eau en surface et donc une eau qui est perdue et qui se retrouve souvent à la mer. Donc c'est face à ce constat que donc les aménagements ont été jugés nécessaires pour continuer à subvenir à nos besoins. Et donc en ce sens, oui, les bassines sont un type d'aménagement qui permet d'aller dans le sens du réchauffement climatique. Maintenant, ça reste un type d'aménagement parmi d'autres. Et il faut toujours le replacer dans le contexte des différents territoires et leurs spécificités. Du coup, cette fois-ci, on a une question sur le cycle de l'eau de Bastien. Mais du coup, ça risque pas d'appauvrir ou même de détraquer complètement les nappes si on modifie le circuit naturel de l'eau ? Parce qu'il me semble que l'eau, on la crée pas de toutes pièces, elle est quelque part naturellement. Et donc si on la met dans ses cuves, elle n'est plus là où elle devrait être, non ? Ça, c'est la question qui me vient à l'esprit en premier, ouais. Alors tu as tout à fait raison, Bastien, on ne crée pas l'eau artificiellement, on ne peut que la récupérer dans la nature. Pour cette question, il faut savoir que la communauté scientifique n'a pas trouvé de consensus encore à ce sujet. On peut par exemple citer Christian Amblard, directeur honoraire de recherche au CNRS et spécialiste des écosystèmes aquatiques, qui pense que créer plusieurs réserves dans un territoire assez limité, assez restrictif, pourrait couper la continuité du cycle dans ce territoire en aval, qui est déjà, il faut savoir, bien abîmé à cause de l'artificialisation des sols en milieu urbain ou rural. Et que ça pourrait entraîner comme conséquence directe la diminution du niveau des cours d'eau et la disparition des plus petits ruisseaux. Après, alors c'est très vrai, mais ces arguments sont quand même à remettre dans le contexte. Parce que donc là, on parle de réserve de substitution, c'est-à-dire que nous parlons de l'eau qui est en profondeur. Or, toi, tu parlais plutôt des eaux de surface qui sont que indirectement touchées par ces aménagements. Pour les eaux de surface, il y aurait des risques en cas de mauvaise gestion des retenues d'eau comme des barrages ou des lacs réservoirs. Mais là, dans le cas des réserves de substitution, on serait que indirectement touché. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Le risque, il est quand même à mettre entre guillemets. Le risque qui serait présent lorsque la réserve, elle serait construite au-dessus de la nappe et qui pourrait lui faire un effet d'ombrelle. Mais c'est pas forcément toujours vrai puisque... Puisqu'en fait, les nappes, elles ne se remplissent pas uniquement grâce à des mouvements verticaux de l'eau. Les nappes, elles se remplissent aussi grâce à des mouvements horizontaux, donc, et aussi grâce aux nappes adjacentes. De plus, il faut savoir que ces infrastructures, c'est déjà quand même une réalité en France, puisqu'il y a des retenues d'eau et des lacs de réserves qui existent et qui sont là pour redistribuer l'eau dans les cours d'eau l'été, lorsqu'on a des besoins, parce que les niveaux sont bas, et il y a donc un besoin de soutien. Donc c'est un phénomène qui existe déjà et qui est utilisé pour optimiser les quantités de l'eau à leur maximum. Mais après, c'est vrai que ce sujet il revient sur la table, parce que c'est quand même un sujet très, très médiatisé. Merci Quentin. Donc cette fois, on va passer à la question suivante, la question d'Emeline sur l'évaporation. Mais je me demandais justement, est-ce que c'est vraiment pertinent finalement de laisser de l'eau comme ça à l'air libre parce que je pense qu'il y a quand même potentiellement des risques d'évaporation. J'avais notamment lu, je m'étais renseignée sur le sujet et il me semble que c'est, ça peut être jusqu'à 60% d'évaporation, si je me rappelle bien. Enfin voilà, je me pose la question. Alors oui, en effet, c'est une très bonne question, dans le sens où l'évaporation, pour ce type de projet, c'est l'élément qui représente le plus d'incertitudes et de débats au sein de la communauté scientifique. Parce que donc, le principe, en effet, c'est donc de laisser l'eau à l'air libre dans les bassines. Cette eau est donc soumise aux rayons du soleil. Je pense que tous les auditeurs qui ont une piscine pourront en témoigner. Ils observent une perte d'eau par évaporation. Et donc, on comprend pourquoi c'est l'un des principaux arguments des détracteurs, qui le voit comme un non-sens de prélever de l'eau en profondeur, là où donc elle est très peu soumise au phénomène d'évaporation, pour la stocker à la surface, là où elle devient vulnérable à ce phénomène. Après, il faut quand même nuancer dans le sens où l'évaporation, bien que ce soit un phénomène indiscutable, est-ce qu'il faut le considérer comme de la perte ou pas, dans le sens où l'eau évaporée, dans tous les cas, rejoint le cycle de l'eau et rejoindra à nouveau les bassines ou le sol aux prochaines précipitations. Il faut quand même en avoir conscience. Mais voilà, le principal débat est plutôt sur les quantités d'eau évaporée. Nous avons beaucoup de chiffres et de valeurs différentes. Par exemple, donc, lors des arguments des associations et du collectif opposé au projet, on nous parle entre 20 et 60% d'eau évaporée. Alors ça paraît énorme. Alors cet argument, il est basé sur des mesures qui ont été effectuées sur des lacs dans l'ouest des États-Unis. Et donc c'est quand même un territoire très aride qui comprend notamment le désert de l'Arizona. Et les auteurs de l'étude, ils expliquent eux-mêmes que ce phénomène dépend énormément des conditions climatiques et que le généraliser à d'autres milieux n'est pas toujours pertinent et qu'il faut faire attention à ces mesures. Donc ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Et d'autre part, il y a une étude similaire qui a été menée par l'IRSTEA, qui est un institut de recherche. Elle a basé son étude sur quatre lacs dits réservoirs en France. Donc eux, au niveau des résultats, donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'avec les conditions actuelles du climat français, ils ont noté une évaporation de 2183 m3. Donc, en fait, ce que ça représente, c'est qu'en été, par hectare, c'est un peu moins qu'une piscine olympique, pour donner une image. Et si on compare cela aux dimensions d'une réserve de substitution, comme par exemple celle de Sainte-Soline, donc qui est la plus grande du projet, ça correspondrait à une perte proportionnelle d'environ 4,75%. De son volume maximal. Donc on est quand même loin des 20 à 60% d'eau évaporée. Et donc cela est assez éloigné des arguments des opposants. Après, cette étude elle est critiquable sur le fait que l'eau évaporée, on tient cela d'il y a quelques années et non pas par rapport au changement climatique. C'est-à-dire que l'effet du changement climatique n'est pas vraiment pris en compte. Et comme son effet va augmenter au fur et à mesure des années, cette valeur de 4,75 est à revoir à la hausse. Donc en effet, il y a une sacrée incertitude sur le sujet de l'évaporation et la communauté scientifique a du mal à se mettre d'accord. On continue avec une question d'Emilien, c'est ma question préférée, on l'écoute. Du coup, on est d'accord que ces bassines, ça profite essentiellement à une agriculture intensive, industrielle, qui demande beaucoup d'eau, quoi. Mais du coup, si on change cette agriculture, on a plus besoin d'autant d'eau, non ? Alors, pour répondre aux craintes que cela favorise une agriculture intensive, comme on l'a dit plus tôt, il y a donc les conditionnalités qui sont mises en place avec des mesures agroécologiques. À savoir que cela ne va pas défavoriser les autres bénéficiaires et il n'y aura pas de grand chamboulement du fonctionnement actuel du partage de l'eau car en fait, personne ne peut prélever dans les nappes autant qu'il le souhaite et il y aura donc une présence de quotas qui est donc, parce que ça sera contractualisé et il y aura également des périodes de restriction pour tous les usagers, cela sera bien marqué dans les contrats. D'ailleurs, si on fait une petite parenthèse, il est sans rappeler que dans le droit français, l'eau, ça reste une ressource commune et la politique de partage va rester la même qu'actuellement. Il est vrai que la majorité des bénéficiaires de ces bassines sont des exploitations céréalières avec des besoins en eau importants. Donc ces réserves de substitution, elles soutiennent en plus des exploitations céréalières et des exploitations d'élevage, donc ça permet de maintenir une diversité importante sur le territoire. Et personne sans savoir que les systèmes céréaliers et d'élevage sont étroitement liés parce que en fait, le premier il permet l'alimentation du second. De plus, l'agence de l'eau elle a une politique qui met particulièrement l'accent sur les petits élevages extensifs pour les favoriser, donc ceux qui sont notamment en plein air et qui possèdent des prairies. Donc, qu'on le répète, on le redit, les prairies, ça favorise grandement l'infiltration de l'eau dans les sols. Et donc une eau qui se retrouve dans les nappes in fine. Donc derrière ces projets de bassines, il n'y a pas une volonté d'engranger spécifiquement les exploitations qui font de la monoculture de céréales, mais il est vrai que comme ce sont celles qui ont le plus de besoins en eau, ils seront les principaux bénéficiaires du projet qui visant à augmenter les quantités d'eau disponibles. Cela, après, ça reste toujours dans l'optique d'une stratégie EFC où il y a une volonté d'accompagner tous ces exploitants dans leur réalisation et dans leur transition agroécologique. Concernant juste donc la production de maïs et l'apport à l'élevage, il faut quand même rappeler que la France est excédentaire en maïs et que donc une grande partie de cette production, même dans ce territoire, est exportée en Europe et dans le reste du monde. Donc en termes de chiffres, l'exportation actuelle de céréales, ça représente 36 millions de tonnes. Donc, en effet, les céréales permettent de soutenir l'élevage et pas uniquement l'élevage français. Mais en effet, donc, l'élevage reste une partie importante du projet parce que parmi les 226 agriculteurs qui bénéficient de l'irrigation des bassines, la moitié sont des éleveurs. Et oui, moi, je trouve que tu abordes un sujet qui est extrêmement important, Hugo. Effectivement, tout le monde se pose la question, est-ce que on veut des bassines ou on n'en veut pas dans les Deux-Sèvres. Mais rappelons que le projet, il existe d'abord pour répondre à un besoin, celui d'irriguer. Donc les gens, on va dire, le grand public pourrait dire quoi de plus normal à ce moment-là. Mais il faut savoir que c'est que 7,5% de la surface agricole en France qui a besoin d'irrigation. Les autres fermes ne se contentent que de la pluie. Et ça marche très bien comme ça. Donc pourquoi on ne se poserait pas la question d'Emilia justement de est-ce que aider des systèmes agricoles ayant besoin d'irriguer est souhaitable ou pas ? Après, je ne fais pas de jugement de valeur quand je dis ça, mais j'aimerais juste dire, est-ce que le débat n'est pas à côté ? Il y a un vrai débat qui découle de celui-ci et qui dans tous les cas est important d'aborder. C'est évidemment quelle agriculture nous voulons dans nos paysages français. Et il se porte d'autant mieux dans les Deux-Sèvres dans le sens, et en Nouvelle-Aquitaine, dans le sens où c'est un territoire qui serait en effet en mesure d'accueillir d'autres cultures. Les sols ne sont pas particulièrement limitants à ce niveau-là. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous voulons continuer à soutenir un modèle qu'on peut dire agro-industriel, et dont les céréales le symbolisent parfaitement, avec un agrandissement toujours plus grand des surfaces, une mobilisation en eau pour irriguer, et basé encore fortement sur les produits phytosanitaires et un travail intensif du sol. La place de l'élevage aussi est à remettre en question, et est remise en question, car il faut rappeler que l'élevage, c'est le poste numéro un d'émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Mais aussi, certains diront qu'il faut conserver l'importance de conserver une agriculture compétitive. Nous avons quand même l'une des agricultures les plus strictes d'Europe et du monde. Et nous avons déjà observé de fortes améliorations, que ce soit en réduction de produits phytosanitaires ou différentes mesures agroécologiques, tout en gardant des hauts rendements depuis l'intensification de l'agriculture. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Nous avons quand même une agriculture efficace et saine par rapport au reste du monde. Des facteurs économiques et sociaux rentrent également là-dedans. L'agriculture, ça reste une part importante de l'économie française, 7% du PIB, et donc les céréales y participent grandement parce que ça représente un tiers de nos surfaces agricoles. Et puis, on parlait d'exportation, mais le commerce et les exportations jouent aussi un rôle, en plus économique, dans des négociations internationales, par exemple en Europe ou en Afrique du Nord pour les céréales. La guerre en Ukraine nous a permis aussi de voir les choses différemment. On a compris l'intérêt d'être autosuffisant autant que possible, et on comprend que cet intérêt est d'autant plus important quand c'est des besoins de base comme l'alimentation. Sur quelle culture favoriser ou non, ne mettons pas non plus tous les deux dans le même panier. Nous avons pointé beaucoup du doigt les grandes cultures, donc toutes ne sont pas non plus équivalentes. Certes, nous sommes excédentaires en maïs, mais si on prend par exemple le soja, qui est également un soutien essentiel à l'élevage, là on est largement déficitaire. Donc implanter du soja peut être vu différemment qu'implanter du maïs. Et ensuite, sur l'élevage en lui-même, comme l'a dit Quentin, une partie de l'élevage est nécessaire et là tous les scientifiques s'accordent là-dessus. C'est parce qu'une partie de l'élevage, donc au moins l'élevage extensif, a pour rôle de conserver les prairies qui sont très importantes pour plein de services environnementaux parce qu'elles vont par exemple permettre de stocker du carbone, une meilleure infiltration de l'eau, prévention des incendies, toutes ces choses-là. Et enfin, sur le fait de continuer à soutenir une agriculture qui va être dite intensive, c'est-à-dire avec l'utilisation de l'eau ou des produits phytosanitaires, il faut savoir que ce type c'est l'irrigation ou les pesticides sont aussi des leviers qui permettent une agriculture plus durable et qui permettent la voie vers une agriculture plus durable. Donc la mise en place de cultures plus diversifiées, favoriser la vie du sol, des choses comme ça. Merci beaucoup Hugo et Quentin pour cet échange. En conclusion, on a pu voir que ce sujet controversé des méga-bassines est encore une énigme que même la recherche n'a pas encore su résoudre et obtenir un consensus. Pour y avoir travaillé dessus, des sujets extrêmement clivants comme celui-ci s'accompagnent de stratégies de communication massives et qui ne sont pas toujours nuancées. Donc, on n'a qu'un seul conseil pour vous, c'est de vraiment faire attention aux sources que vous utilisez, à qui a écrit l'article que vous lisez, qui s'exprime à la télé. Tout le monde a un intérêt propre et personne n'est objectif. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a toujours utilisé dans l'épisode les termes méga-bassines et réserves de substitution en même temps. On vous invite à taper ces termes dans votre moteur de recherche favori et dans deux pages différentes. Vous verrez comment le discours est complètement différent et comment on peut tout à fait être influencé si on cherche au pif comme ça sur Internet. Appuyez-vous aussi sur des documents et sur de la littérature scientifique, mais même avec ça, il faut savoir que la recherche, ce n'est pas gratuit et que même les chercheurs ne sont pas tout à fait impartiaux. Bien, il est temps de fermer ce chapitre sur les bassines du Nord-Nouvelle-Aquitaine. Nous tenions à remercier Céline Marouet-Jousse pour avoir grandement contribué à nos recherches et nous avoir donné des pistes de réflexion intéressantes. Pour savoir, nous nous sommes basés également sur les publications et les articles des deux parties pour et contre, donc la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres et ceux du blog Bassines Non Merci, et la communauté scientifique bien évidemment. Un grand merci également à Simon Giuliano, Adeline Bouvard et Sophie Yvon pour nous avoir permis de réaliser ce projet et ce podcast. Merci aux studios de Campus FM pour leur accueil et pour le matériel. Et enfin, un grand merci à tous les partenaires de Campus FM, notamment la région d'Occitanie et l'école d'ingénieurs de Purpan, pour permettre aux étudiants de rejoindre l'antenne et de s'exprimer. Sur ce, on vous dit à bientôt et au prochain épisode d'AgroJécoute.